France Culture avec Philosophie. Géraldine Mühlmann. Nous parlons de l'imagination cette semaine, de la manière dont elle fonctionne. Troisième épisode ce matin, discrète mais primordiale, l'imagination selon Emmanuel Kant. C'est dans les cours de Kant, publiés en 1797, sous le titre « Anthropologie du point de vue pragmatique », que l'imagination apparaît dans plusieurs développements spécifiques et directs. Auparavant, Kant en parlait souvent, mais au sein d'autres préoccupations. Le rôle de l'imagination était clair dans le travail de la connaissance, qui occupait la critique de la raison pure de 1781. Clair aussi dans l'évaluation esthétique à laquelle s'intéressait sa critique de la faculté de juger de 1790. Mais l'imagination était évoquée presque toujours par rapport à cette faculté que Kant appelle l'entendement, à côté de celui-ci, dans un jeu J-E-U, plus ou moins soumis ou au contraire plus ou moins libre par rapport à l'entendement. L'imagination dans l'œuvre de Kant est donc souvent discrète, quoique primordiale. Essayons d'éclaircir tout cela, non sans oublier la morale, où là aussi, l'imagination joue peut-être un rôle subtil, notamment lorsque Kant nous dit que nous sommes marqués par certains exemples admirables de moralité ou de vertu. Bonjour Antoine Grandjean. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Lille, auteur de plusieurs livres sur la philosophie kantienne, notamment d'un ouvrage intitulé « La philosophie de Kant » aux éditions Vrin. Et vous avez traduit et présenté certains textes de Kant pour son 300e anniversaire, c'est cette année. Et ça paraît ce matin, si j'ai bien compris, au PUF. Bonjour Michael Fossel. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'École Polytechnique, auteur vous aussi de plusieurs travaux sur Kant, en particulier aux éditions du CNRS, Kant et l'équivoque du monde. La philosophie traditionnelle s'occupe communément de l'homme qui pense, comme si l'homme trouvait toute sa substance, tout son être dans la pensée. Il semble que la fonction dominante de la philosophie soit alors en quelque sorte de repenser la pensée, tout à sa fonction dominante de concentrer les lumières sur ce sommet de l'être qu'est la pensée. La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine, un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des formes qui se déplacent sans loi, des formes qui se déforment sans fin. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre le philosophe Gaston Bachelard qui s'exprimait sur Paris Inter en janvier 1954. Il évoquait donc l'imagination, bon il adorait ça, hein, l'imagination, comme il dit, les images qui brillent et qui passent, les songes, les grands mythes de l'humanité aussi. Et il propose donc cette critique, disant que la philosophie traditionnelle, comme il dit, a tendance à prêter insuffisamment d'attention à ces images furtives, à nos rêveries diurnes et à nos rêves nocturne, préférant penser la pensée disons plutôt plus abstraite, plus conceptuelle, plus maîtrisée. Est-ce que dans le cas d'Emmanuel Kant, Gaston Bachelard a raison ou bien sa critique, dans son cas à lui, est-elle un peu excessive, Michael Fessel? Ah, je ne pense pas que sa critique s'adresse à Kant. Disons que Bachelard est quelqu'un qui, d'ailleurs y compris dans l'extrait que vous avez passé, oppose, en tous les cas distingue fortement l'imagination et l'entendement, la science pour l'entendement, la rêverie ou la poétique pour l'imagination, et il a d'une certaine manière d'ailleurs distribué son œuvre sur ces deux registres, puisqu'il est à la fois épistémologue et poéticien, si je puis dire. Alors que Kant, on va le voir, j'imagine, est quelqu'un qui fait de l'imagination, pas seulement, mais aussi une faculté de connaissance, ou en tout cas une faculté qui rentre de plein pied dans la connaissance. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas chez Kant ce dualisme entre l'homme qui rêve et l'homme qui connaît, puisque nous avons besoin de l'imagination pour nous représenter des objets, nous avons besoin de l'imagination pour mettre ensemble un concept, l'entendement, et une intuition sensible. Donc l'imagination, c'est aussi la faculté, ce qui est une nouveauté de Kant certainement, la faculté qui nous permet d'accéder à une connaissance des objets. Est-ce que vous pensez, vous aussi, Antoine Grandjean, que Gaston Bachelard, c'est intéressant ce qu'il dit, ça concerne la philosophie traditionnelle, mais pas vraiment Emmanuel Kant? C'est-à-dire que Kant, c'est sans doute le premier philosophe à avoir fait de l'imagination un ingrédient nécessaire, constitutif de toute connaissance humaine, et à avoir donc inscrit l'imaginaire, si l'on veut, à l'intérieur du rapport de connaissance au monde, et à lui avoir accordé également une pertinence pour ce qui, de notre rapport au monde, déborde la connaissance, se tient en deçà ou par-delà le vrai et le faux, de sorte que, d'une certaine manière, Kant, c'est peut-être le premier, tout en distinguant toujours soigneusement les choses, comme il a l'habitude de le faire, à contester un dualisme traditionnel qui consisterait, en effet, à assigner à l'imagination un lieu qui serait seulement celui de la fiction, voire de l'illusion, par opposition à l'entendement qui serait le lieu du vrai. Alors, je vous remercie d'avoir sauvé Emmanuel Kant de la critique de Bachelard, au sens où ça rend justice au fait que, contrairement peut-être au XVIIe siècle dont nous avons parlé dans le deuxième épisode, Kant rompt avec la grand-peur de l'imagination, elle a fiché une trouille à Malebranche quand même assez stupéfiante. Il rompt aussi avec ce côté un petit peu en demi-teinte de l'imagination qu'on appelait la fantasia chez les Grecs, qui nous ont occupés dans le premier épisode. Pour les Grecs, bon, ça existe, mais c'est pas exactement l'imagination, c'est une aide de camp, c'est un relais, la fantasia. Dans la connaissance et dans l'esthétique et peut-être dans la morale, Kant, Michael Fessel, donne une place de choix à l'imagination, sans peur, sans difficulté, sans inhibition. Kant ne va pas tout de suite justement du côté de la fantasia, il ne va pas tout de suite du côté du rêve et du délire, il parle aussi des illusions propres à l'imagination, mais pour définir déjà cette notion, bon, Kant, comme tout le monde d'ailleurs, définit l'imagination comme la faculté de rendre présent ce qui est absent. L'image, c'est précisément ce qu'un sujet peut convoquer dès lors qu'il n'a pas la perception, dès lors qu'il n'a pas la chose. Je peux donc imaginer un arbre, quand bien même un arbre ne se situe pas en face de moi et de mon regard. Alors si on définit l'imagination de manière très générale de cette manière, on comprend aussi pourquoi elle est une faculté dont se sont méfiés un certain nombre de philosophes, vous avez cité Malebranche, parce qu'évidemment cette faculté de rendre présent ce qui est absent, c'est aussi la faculté qui fait que je peux croire qu'est présent ce qui est absent. Oui. Autrement dit, et dans le rêve, dans certaines formes d'hallucination précisément, l'imagination c'est ce qui tient lieu de présence. Et donc peut-être aussi me porter à croire à la réalité de ce que j'imagine. Alors Kant rompt clairement avec cette perspective, il reconnaît simplement déjà, on peut le dire de manière assez simple de ce point de vue-là, il reconnaît que l'homme, disons, le sujet humain, a besoin d'images pour connaître. Que l'homme n'est pas en mesure, l'esprit humain, l'entendement seul, ne peut pas parvenir à un savoir, c'est-à-dire que lorsque j'ai un concept, restons sur l'arbre puisque je l'ai pris comme exemple, si j'ai une idée de ce que c'est qu'un arbre, une définition de ce que c'est qu'un arbre, eh bien il me faut encore nécessairement que je puisse appliquer ce concept à des intuitions sensibles, à des choses que je vois, c'est-à-dire au fond reconnaître lorsque je vois un arbre et non pas un animal. Et pour cela, il faut des images, c'est-à-dire que l'imagination, c'est ce qui, d'une certaine manière, donne un objet à ce qui, dans le concept, est encore trop abstrait. Donc, de ce point de vue-là, il est nécessaire que le sujet humain, et il a cette faculté, de rendre présent l'absent. Ici, l'absent, c'est d'abord l'absence de perception. J'ai un concept, je sais ce que c'est qu'un chien, un quadrupède aboyant. Encore faut-il que je puisse reconnaître un chien lorsqu'il se présente à moi, et pour cela, je vais avoir besoin d'images. Antoine Grandjean, bien sûr, vous allez répondre aussi à cette question. Est-ce qu'il y a une rupture chez Kant par rapport à, disons, soit des inhibitions, soit des angoisses, soit des peurs plus précises parfois concernant l'imagination. Mais je vous propose, juste avant de vous entendre sur ce sujet, d'écouter un moderne, justement, d'écouter le problème de la fantaisie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça a été travaillé de près par des neurologues, des psychiatres aussi. Il y a eu un grand papier là-dessus dans la revue Cortex, une revue britannique, en 2015. J'ai pu regarder, comme vous pouvez le voir vous aussi, un compte-rendu dans Le Monde de cette époque-là, de cette analyse. Il s'agit de gens qui n'ont plus de capacité à imaginer, ça peut être plus ou moins grave, plus ou moins partiel, mais c'est un handicap vraiment profond pour connaître, parfois aussi pour reconnaître les visages. Alors là, c'est le cas le plus grave, ça s'appelle la prosopagnosie. Évidemment que ça rentre dans des travaux sur la mémoire, qui est un champ un peu obscur encore, on ne connaît pas tout, et puis tout simplement le cerveau a encore beaucoup de mystères. Mais la question que je me pose, c'est de savoir si, au fond, tout ce que nous apporte même Kant est au niveau de nos inquiétudes et de nos intérêts modernes, contemporains, à propos de ces questions. Écoutez la chronique de Bernard Werber, dans les matins de France Culture, c'était le 10 janvier, et c'est donc il y a très, très peu de temps, à propos de cette aphantasie. Le mot lui-même a été inventé par Adam Zeman de l'Université d'Exeter, en Angleterre, en 2015. Il est formé du préfixe « a », qui signifie « absence », et « fantasia », qu'on peut traduire par « imagination ». Adam Zeman avait étudié un patient qui, suite à un AVC, avait perdu sa capacité de créer des images mentales. Zeman avait publié un article pour décrire ce phénomène et de nombreuses personnes l'ont contacté pour signaler qu'ils avaient le même souci sans avoir pour autant d'AVC. Certains l'avaient même depuis la naissance. Dès le moment où le mot « aphantasie » est apparu, il est devenu à la mode dans les milieux médicaux et il a surgi toutes sortes d'études sur ce sujet. On pense qu'actuellement, 5% de la population mondiale est touchée par ce trouble neurologique. La fantaisie peut s'avérer un vrai handicap, notamment pour la mémorisation, car nous mémorisons plus facilement si nous visualisons. Les aphantasiques ont du mal à reconnaître les visages, ce qu'on nomme la prosopagnosie. Ils ont des problèmes d'orientation, car ils ne savent pas reconnaître les rues. Encore plus gênant, les aphantasiques ont du mal à visualiser leur propre futur. Enfin, ils ont tout simplement du mal à rêver. Or, le rêve participe à notre équilibre psychologique. Est-ce que par rapport à ce problème, qui est vraiment récent pour nous, on commence à connaître seulement ces choses, la philosophie de Kant, Antoine Grandjean, n'est pas par nature, il aurait eu 300 ans là, un petit peu en deçà des enjeux sur l'imagination? Alors, bon, il faut déjà toujours préciser que tout n'est pas dans Kant, ce serait absurde. Oui. Mais l'autre versant un peu de ce diagnostic évident, c'est que Kant est un grand philosophe et que donc il nous propose des ressources pour penser ce qui n'est pas dans lui, si l'on veut. Et d'une certaine manière, alors le cerveau, continent encore largement inconnu, était évidemment encore davantage au XVIIIe siècle, et Kant n'est pas dans un paradigme cérébral, mais plutôt dans le paradigme de l'esprit, au sens très large, du mental, même s'il pense qu'il y a des dimensions organiques sous-jacentes. Mais dans ce paradigme de l'esprit, ce que Kant quand même nous permet de penser, et peut-être ce par quoi il peut donner sens à ce qui était évoqué, c'est que l'imagination, c'est, on va le voir, à la fois ce qui recompose ce que la perception nous donne. Elle n'est pas absolument créatrice, elle recompose toujours une matière que nous recevons sensiblement, mais cette imagination qui est donc adossée à une dimension perceptive, c'est pour Kant un ingrédient nécessaire de la perception. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas percevoir quelque chose sans l'unifier, sans le constituer en un tableau, en une image, oui. Et donc sans travail d'imagination au sens actif, il n'y a pas de perception sans mise en image de quelque chose qui se donne. De sorte que, au fond, pour Kant, quelqu'un qui est privé d'imagination, pour des raisons qui peuvent être somatiques ou autres, c'est quelqu'un qui nécessairement sera privé de perception. Ouais. Et ça, ne pourra il a quand pas, même en effet, des intuitions impressionnantes. Dans un tout autre genre, Charcot, à la fin du 19e siècle, a aussi eu des patients qui semblaient avoir un handicap grave en termes d'imagination. Il y a eu des intuitions, bien évidemment, avant les travaux d'aujourd'hui. Mais Kant en a eu particulièrement particulièrement dans le domaine de la connaissance. Vous pourriez préciser un petit peu, Antoine Grandjean, ce que c'est que ce travail qui aide l'entendement, puisque c'est ainsi que s'exprime Kant, ce travail qui est à la fois de synthèse, d'unification de nos perceptions, et puis de schématisme, parce que c'est le terme de Kant, et je voudrais que vous l'expliquiez. Est-ce que c'est la même chose, c'est un prolongement? De quoi s'agit-il, Antoine Grandjean? Ce sont deux dimensions du travail qu'on peut dire imaginatif, qui est constitutif de la connaissance pour Kant, qui sont deux dimensions un peu différentes. C'est-à-dire que il y a d'abord pour Kant, à l'intérieur de toute perception, un travail de mise en image de ce qui se donne, c'est-à-dire un travail d'unification, oui. Car ce que nous recevons par nos sens, alors ça c'est une vieille tradition qui remonte au fond à Platon, ce que nous recevons par nos sens c'est toujours du multiple. Et ce multiple, il faut le composer pour qu'il devienne un objet, ce qui est une forme unifiée qui se donne à nous. Donc pour Kant, l'imagination est à l'œuvre dans la perception elle-même, c'est-à-dire on unifie. On ne peut pas percevoir un objet sans travail d'imagination, il le dit dans la critique de la raison pure, oui. Il est manifestement assez content de sa découverte, puisqu'il dit, contrairement à tout ce que les psychologues pensent, l'imagination c'est pas simplement au fond ce qui est en jeu dans la fiction, c'est-à-dire dans la représentation de ce qui n'est pas effectif, oui. Mais dans notre rapport sensible à ce qui se donne à nous. De sorte qu'il y a un travail de l'imagination dans le rapport à l'effectivité. Donc ça c'est ce travail d'unification, c'est-à-dire de synthèse imaginative, qui est à l'œuvre dans toute perception sensible. Et la question du schématisme, oui. Qui est un peu différente, même si, pour percevoir un objet, il faut aussi qu'il y ait ce travail de schématisation. Le travail de schématisation, c'est le travail par lequel l'imagination apporte une intuition sensible qui correspond à un concept, c'est-à-dire à une pensée. Et au fond, ce travail de schématisation, c'est celui par lequel l'imagination, en apportant une intuition sensible appropriée à un concept, convertit ce concept, cette pensée, en la pensée d'une chose et lui confère une signification. Bon, alors je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris, donc je vais demander à parce que c'est difficile. L'unification, on comprend bien, Michael Fessel, et c'est à l'œuvre tout le temps. On ne peut pas percevoir sans créer de l'unité. Et l'imagination, peut-être, en effet, est la faculté qui fait cela. Mais le schéma, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une sorte de forme, hein, au-delà de l'unification de la matière, pourrait-on dire, parce qu'il parle souvent comme ça, Kant, hein, y compris dans son esthétique, pour livrer à l'entendement une capacité à créer du concept, ou est-ce que c'est encore plus complexe que cela? Alors, l'entendement n'a pas besoin de l'imagination pour créer ou pour produire des concepts. Il est cette faculté qui produit des concepts. Il est d'une pure spontanéité, dit Kant. C'est-à-dire qu'au fond, ça c'est la grande thèse de Kant, nous ne trouvons pas des concepts, par exemple le concept de cause, dans les choses. Hein. C'est l'esprit humain, c'est l'entendement humain qui produit ce concept. Simplement, le sujet humain, il est affecté, si je puis dire, de deux facultés opposées, ou de deux facultés en tout cas dissemblables. D'une part, il produit des concepts, le concept de cause étant le meilleur exemple, et d'autre part, il est un sujet sensible. Il a donc, comme Antoine Grandjean le rappelait, il est référé à une certaine, ou il est soumis en quelque sorte à la diversité de l'expérience. Quand je perçois une chose, je la perçois nécessairement dans l'espace et le temps, et dans le temps, et de manière diverse. Toute la question de la connaissance, c'est comment ramener de l'unité là où il y a du divers. Bon. Comment essayer de, alors c'est le thème précisément du schématisme, je voudrais mettre à l'aise tout le monde, y compris nos auditeurs, puisque Kant a quand même dit que le schématisme était un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine, et donc le fonctionnement, si vous voulez, du schématisme est très difficile à exhiber pour lui-même, y compris pour Kant. Mais puisqu'il faut bien prendre un exemple. Oui. Au fond, la thèse de Kant, je prendrai l'exemple ici, si vous voulez, qui est un exemple classique en philosophie, surtout à l'époque de Kant, des idées générales. J'ai une idée générale de triangle. Je sais ce que c'est qu'un triangle. Un triangle, c'est une figure géométrique dont la somme des angles est égale à 180 degrés. Ça, c'est la définition du côté, si l'on peut dire, de l'entendement. Conceptuel. Donc. C'est la définition conceptuelle. Le problème, c'est que tous les triangles que je peux voir sont des triangles qui sont soit isocèles, soit scalènes, soit équilatéraux. Autrement dit, il n'y a pas d'image d'un triangle qui soit, au fond, équivalente à la définition la plus générale du concept. Donc, tout le problème, c'est de faire en sorte, toute la question plutôt, c'est de savoir est-ce qu'au fond, j'ai vraiment une idée générale du triangle ou est-ce que je n'ai que des triangles particuliers? Alors, il se trouve que la géométrie travaille sur le triangle en général. Et donc, au fond, ce que Kant va essayer de montrer, c'est qu'il y a entre les images de triangles particuliers sur lesquelles je vais pouvoir travailler si jamais je les construis au tableau, qui sont eux nécessairement, je répète, ou isocèles ou scalènes. Et puis la définition la plus générale du triangle, mais trop abstraite, qui est celle de la figure géométrique dont la somme des angles est égale à 180 degrés, entre cela, il y a ce qu'il appelle le schème du triangle, c'est-à-dire une méthode pour construire des triangles. Mmh. Et c'est là qu'intervient, alors activement, c'est la partie la plus abstraite et la plus difficile de l'imagination chez Kant, de son activité, c'est-à-dire qu'au fond, l'imagination, ce n'est pas seulement ce qui produit des images particulières, c'est plus fondamentalement ce qui nous permet, au fond, d'avoir des, on pourrait dire, des images générales, en quelque sorte, comme celle de triangle, qu'on oui. va pouvoir ensuite appliquer de manière plus particulière pour les démonstrations que nous souhaitons avoir. L'autre exemple, peut-être plus simple, c'est, j'ai la définition, je l'ai prise tout à l'heure, je crois, du chien à quadrupède aboyant. Mais les chiens que je vois sont nécessairement ou des caniches, ou des bergers allemands, ou des dobermans. Donc comment est-ce que je peux reconnaître dans le caniche, dans le doberman et dans le berger allemand, le chien, c'est-à-dire le quadrupède aboyant? Eh bien, il y a quelque chose, dit Kant, qui s'appelle le schème du chien, c'est-à-dire la capacité qu'a un sujet de construire ou de reconstruire à chaque fois qu'il voit un chien une image générale du quadrupède aboyant. Je ne sais pas si c'est éclairant, mais c'est une manière de dire... Moi, je trouve ça très clair. Mais du coup, j'ai une question qui me vient de l'émission d'hier, en fait, du deuxième épisode de notre série sur l'imagination et qui vient de chez Descartes. Descartes disait déjà que l'imagination était très utile en géométrie. Alors, il ne parlait pas de schème, mais grosso modo, je crois même qu'on a employé l'expression de schématiser. Quelque chose, là, était déjà dit par Descartes. Et puis, Descartes arrive à un point où il dit que pour certaines figures géométriques, par exemple le fameux chiliogone, c'est-à-dire une figure à 1000 côtés, là l'imagination elle ne peut pas le travailler, elle est incapable de produire une figure à 1000 côtés, et Descartes était radical, à ce moment-là nous passons à la conception sans plus aucune aide de l'imagination. J'ai l'impression, Antoine Grandjean, que Kant répond quelque chose à Descartes, qu'il y a quand même quelque chose de l'imagination qui demeure, peut-être l'idée d'une expérience possible à défaut d'une expérience réelle. Il y a quand même, me semble-t-il, chez Kant une réponse ou un propos un peu différent sur ce point de celui de Descartes. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il dit la même chose que Descartes ? Non, la différence, je pense que c'est, comme vous l'avez dit... L'exemple cartésien du chiliogone est là pour montrer un passage au-delà qui, au fond, dans le débordement de l'imagination, qui ne parvient pas à représenter distinctement une figure à 1000 côtés dans sa différence d'avec une figure à 1002 côtés. Oui. Il y a un passage au-delà qui indique, au fond, que l'imagination est une aide et une aide très précieuse en géométrie pour Descartes, mais qu'au fond, elle n'est pas constitutive de ce que connaître veut dire, puisqu'au fond, à un moment, il suffit d'ajouter un côté, et on sort de l'imaginable sans sortir de la connaissance. Donc c'est une aide, mais qui n'est pas un ingrédient nécessaire de la connaissance. Donc il y a quand même le concept se passe oui. d'elle. Oui, alors que pour Kant, au fond, un objet géométrique, c'est un objet spatial, et que cette spatialisation... Oui. C'est le travail de l'imagination. Et au fond, le travail de l'imagination, il ne correspond pas seulement à la nécessité de se représenter une figure déterminée qui aurait tant de côtés par rapport à une autre. Le travail de l'imagination, il sert, en l'occurrence en géométrie, à spatialiser, à donner le sens spatial qui est constitutif de toute figure. Qu'elle ait 1000 côtés ou 3, si vous voulez, une figure, c'est un objet spatial. Et passer ça, du concept... C'est l'imagination qui, même si elle ne peut pas le faire dans le détail... Voilà, son travail, il est oui. plus radical que cela. Il est de projeter dans un espace à n dimensions un concept, le contenu d'un concept. Évidemment, c'est très important parce que la critique de la raison pure, le projet de Kant, c'est de dire qu'une raison valable, qui travaille correctement, est une raison qui ne perd pas, disons ce qu'il appelle... l'a priori de l'espace et du temps, nous pensons dans le cadre de quelque chose qui est quand même une expérience possible, même si c'est très très difficile de l'imaginer. Il y a une sorte de cadre mental, pour le dire sans doute mal dans les termes de Kant, mais peut-être de manière un petit peu plus accessible. Et toute raison qui prétendrait aller au-delà, par exemple faire de la métaphysique pure, contrairement à Descartes, Kant pense que c'est une raison délirante. Alors, c'est-à-dire que, voilà, l'une des autres grandes différences avec la tradition, au fond, c'est que la fiction, Enfin, je disais que l'imagination n'est pas rivée à la fiction, mais de même, la fiction, l'imagination n'a pas le monopole de la fiction. C'est-à-dire qu'il y a des fictions rationnelles, oui. Ou que la raison est également une puissance de fiction. Et au fond, toute la métaphysique traditionnelle, c'est l'œuvre d'une raison qui se perd dans des fictions rationnelles. Donc Descartes est concerné, les fameuses preuves de l'existence de Dieu, tout ça c'est du pipeau rationnel délirant pour Kant, c'est ça que je comprends. Pas délirant, parce qu'en fait, il y a une logique à cette fiction rationnelle, et au fond c'est la nature même de la raison que de vouloir produire un savoir absolu, et donc de déborder ce que la sensibilité peut nous donner. Donc ce n'est pas du délire, il y a une logique à ces fictions rationnelles, elles sont l'expression de la nature de la raison. Mais elles ne touchent rien qui concerne la vérité. Mais il s'agit d'une productivité de pensée qui, pour Kant, est une pensée vide, c'est-à-dire qui ne signifie jamais quelque chose, jamais, qui ne désigne jamais un objet, parce que tout objet, pour nous être fini, c'est un objet sensible. Nous parlons ce matin de l'imagination chez Emmanuel Kant, qui est à la fois primordiale et pourtant discrète. Elle est un peu partout dans ses textes, elle n'est pas toujours étudiée directement comme telle, sauf dans quelques ouvrages ou cours, en particulier dans son Anthropologie du point de vue pragmatique. Je suis en compagnie des philosophes Michael Feussel et Antoine Grandjean. Michael Feussel, si la métaphysique, c'est pour Kant une raison vide, qui ne touche rien, qui est au-delà de toute expérience possible. Ça veut donc dire, si je comprends bien ce que vient d'expliquer Antoine Grandjean, que sans une aide au moins du cadre que pose l'imagination, la raison est perdue. Pourtant, s'il y a bien quelque chose qui touche des trucs métaphysiques, c'est la foi. Et il l'a dit lui-même quand il a dit je vais domestiquer un peu la raison, mais je laisse la place à la foi. Et dans le domaine métaphysique, la foi peut y aller. Mais la foi, c'est... La foi rationnelle. Et la foi, est-ce que c'est pas un peu de l'imagination ? La foi rationnelle, ce n'est pas seulement de l'imagination. Pour Kant, d'ailleurs, à un moment, on parlera, je crois, tout à l'heure du sublime. Il dit que la formulation la plus sublime qui se trouve dans la Bible, c'est la formule selon laquelle de Dieu, tu ne te feras pas d'image. C'est-à-dire que de l'absolu, il n'y a pas d'image possible. Donc Kant, c'est pas quelqu'un qui c'est pas Hume, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui considère que la métaphysique doit être abandonnée, précisément parce que nous sommes toujours pris, dans le raid des images. En revanche, c'est quelqu'un qui pense que quand on conçoit d'une certaine manière et toujours, on tente d'imaginer. Simplement, parfois, là où il y a illusion, c'est lorsqu'on se donne une image de l'absolu. C'est-à-dire que l'on confond, au fond, la puissance de l'entendement et la puissance de la raison. Je voudrais juste dire un mot pour peut-être introduire à cette question sur le kyliogone dont on parlait. Oui. Parce que Kant va prendre cet exemple à un moment et il va dire justement, il va poser une question assez redoutable à la tradition cartésienne, il va dire, oui, alors vous dites qu'au fond, finalement, passer un certain nombre de côté, j'ai besoin de l'entendement. Le concept, en quelque sorte, vient à la place de l'image. Je rappelle aux auditeurs que le kyliogone, c'est une figure à mille côtés. Et Kant va, en substance, dire, enfin même d'ailleurs de manière très concrète, mais alors, à partir de quand, c'est quoi ? C'est au bout de 99, au bout de 100 côtés, au bout de 101 côtés, quand est-ce qu'on passe du régime de l'imagination au régime de l'entendement, qui est censé être un régime qualitativement distinct. Le concept est censé être, l'idée est censée être qualitativement distincte. Donc finalement, sa thèse, c'est de dire que il faut penser l'harmonie entre l'entendement et l'imagination et ne pas penser une opposition entre eux, du moins quand on parle de connaissance, et que l'imagination accompagne le sujet. Vous avez justement fait remarquer tout à l'heure qu'elle est un peu partout et nulle part. L'imagination, c'est une faculté qui n'est jamais étudiée par Kant en tant que telle. Elle est toujours étudiée dans le rapport avec d'autres facultés. La sensibilité, la réception sensible, l'espace et le temps, l'entendement, on l'a vu, la connaissance, et puis aussi la raison. L'imagination est toujours cette faculté intermédiaire. Elle est atopique, si on peut dire. Elle n'a pas de lieu ou de place qui lui soit propre. Ce qui d'ailleurs donnera, on peut l'indiquer, dans la réception de Kant immédiate, une tentation de voir dans l'imagination la faculté reine, la faculté suprême. Oui. Dans le romantisme allemand, en fait, comme elle est partout, finalement, il y aura une tentation de dire qu'elle est le secret de l'âme humaine, puisqu'elle est à la fois sensibilité et elle est spontanéité. Elle a cette puissance. Alors ça, Kant ne le dira pas. Alors je voulais y venir, merci à vous. L'imagination est très importante. Vous avez commencé cette émission en nous expliquant, Michael Feussel, qu'elle produit des objets. Mais pas créer, elle ne les crée pas. Elle en reproduit aussi certains. Mais pourquoi, alors je vais d'abord la poser à Antoine Grandjean, cette question, pourquoi Kant, dans l'Anthropologie du point de vue pragmatique, souligne que l'imagination n'est pas créatrice? Alors, elle n'est pas créatrice au sens d'une création ex nihilo qui signifierait, au fond, inventer une matière à partir de rien. L'imagination, selon Kant, elle est soit reproductrice, c'est-à-dire qu'elle repose ce qui a été donné, soit productrice, c'est-à-dire qu'elle compose ce qui n'a jamais été donné, mais elle compose toujours à partir de quelque chose. Et c'est en ce sens qu'elle n'est pas créatrice. Est-ce que ça veut dire qu'elle travaille toujours à partir du sensible? Donc elle est absolument incapable de créer autre chose que quelque chose qui a à voir avec du sensible. Et c'est ça la raison pour laquelle il faut affirmer haut et fort qu'elle n'est pas créatrice. Ça veut dire une chose précise. C'est donc ça, c'est-à-dire qu'il y a une spontanéité de l'imagination. Elle peut être productrice, ouais, mais cette spontanéité, ce n'est pas inventer à partir de rien. C'est toujours reprendre. Et du sensible. Du sensible qui a été donné à des sens. Par exemple, on ne peut pas imaginer les couleurs primaires si on ne les a pas vues. Selon Kant. Et c'est un motif assez traditionnel, hein. On trouve déjà cette idée chez Descartes, par exemple, hein. Mais ce que ça indique concernant l'imagination, c'est précisément qu'elle est quand même l'expression de notre condition humaine, c'est-à-dire une dimension de spontanéité, mais de spontanéité qui s'enlève toujours sur une passivité primordiale. Nous ne sommes pas des créateurs. L'imagination, elle peut être une démiurge, réagencer des éléments que nous avons reçus et inventer du neuf. Mais cette invention, ce n'est jamais une création ex nihilo, parce que précisément, il faut toujours que quelque chose nous soit donné pour que nous en fassions du neuf. Oui, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, Michael Fessel? Après, on parlera d'esthétique. Non, sur la question de la question, c'est évidemment celle de l'art. Si justement, on parle de l'esthétique, c'est-à-dire que Kant est quelqu'un qui considère à la fois que l'imagination a un rôle fondamental, évidemment, dans la création artistique, mais que et c'est là ce qui se le distinguera de ses successeurs immédiats et un peu hérétiques que sont les romantiques allemands, qu'avoir une image, même produire une image de la chose, ce n'est pas se donner la chose elle-même, et qu'il y a aussi, je pourrais dire, de la même manière qu'il y a un dogmatisme propre à la raison, qui est de croire que dès lors qu'elle pense le concept de Dieu ou l'idée de Dieu, elle se donne l'existence de Dieu, par exemple, il y a aussi un dogmatisme spontané de romantique. L'imagination. Oui. En un sens, on dirait romantique, c'est-à-dire que le génie, ici, ce serait celui qui, en même temps qu'il crée une image ex nihilo de la chose qu'il entend inventer, donnerait une réalité à cette chose. Et effectivement, l'imagination, précisément parce qu'elle est prise en quelque sorte dans cette double relation avec ce qui nous est donné et ce qu'elle produit, parce qu'elle est libre, l'imagination, de produire ou d'associer néanmoins des perceptions totalement inexistantes quand elles sont rassemblées. Par exemple, la licorne, qui est, je me trompe à chaque fois, qui est une sorte de cheval mélangé à un rhinocéros, il me semble. Avec des cornes. Avec une corne, du moins. Bon, eh bien, ce genre de chimère a une signification esthétique, mais on voit bien sur cet exemple que la chimère est elle-même, là aussi ça remonte au moins à Aristote, elle est faite quoi, de deux animaux que nous avons perçus, mais que nous avons néanmoins le pouvoir, et c'est ça l'imagination, la fantaisie, la possibilité qui échappe donc de ce point de vue à la nature, puisqu'il n'y a pas en principe de licorne dans la nature, nous avons la possibilité de rassembler, de réunir, de composer, d'unir ce qui dans la nature est toujours séparé, à savoir par exemple le fait du cheval et le fait d'avoir des cornes. C'est vrai que l'idée de l'imagination créatrice, on comprend bien dans ce que vous dites, elle est pour le coup très chère plus tard aux romantiques, qui aiment d'ailleurs comparer le peintre ou le sculpteur à la reine des facultés, dira Baudelaire, à Dieu finalement, qui crée des nouvelles choses, et Kant à l'avance dit non, là, effectivement, dans on le crée avec ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire avec nos sens et avec notre rapport au sensible, c'est ça. Dans le romantisme même le plus, si on peut dire, métaphysiquement radical, il y aura cette idée que finalement la faculté divine par excellence, celle qui est même au cœur de la création du monde, ce n'est pas la raison, ce n'est pas la volonté, c'est l'imagination. Alors évidemment, il y a là une tentation par rapport à laquelle Kant est un penseur des limites, même s'il se tient souvent à la limite de la limite, si je puis dire, s'il pense sa transgression possible, mais qui rappelle que cette limite ne peut être transgressée que sur un mode précisément imaginaire, et qu'on ne peut pas se donner la chose simplement ni en la pensant, ni non plus en l'imaginant. Donc, pour ceux qui ne sont pas croyants, ce n'est peut-être pas Dieu, mais c'est la nature. Nous travaillons, nous imaginons avec ce qui nous a constitué au départ, dit Kant. Alors parlons maintenant du goût, de la capacité à reconnaître des choses belles. Kant croit, dur comme fer, qu'il y a un universel en matière de beauté, que nous pouvons, par un certain état intérieur, valider le fait qu'une chose qui produit en nous cet état intérieur est belle pour tout le monde. Et pourtant, c'est un sujet qui ne cesse de diviser les modernes, et singulièrement à propos de l'art dit moderne, où on est parfois un petit peu perplexe. Je vais vous faire écouter une scène extrêmement connue, et pour cause, Yasmina Reza et sa pièce Art est jouée dans le monde entier. Elle l'a créée en 1994, on en écoute un extrait. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un entrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde de 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non content d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde ? Non, un peu d'humour, Serge, ris. Ris, vieux. Non, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Ben, que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux, que ça te fasse rire bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout, cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Mais à qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Ouh! Tu t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Alors, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? Mais c'est une merde. Excuse-moi. Scène célèbre interprétée ici par Pierre Vanek et Fabrice Lucchini. Antoine Grandjean, Kant affirme qu'il y a un universel du beau. C'est pas un concept, mais il y a quelque chose qui relève universellement du beau. Et il appelle ça le fait d'atteindre par un libre jeu de l'entendement et de l'imagination un état qui universellement existe et nous permet de dire qu'une chose est belle. Eh bien écoutez, c'est pas gagné, ou alors ce n'est peut-être plus gagné à cause de l'art contemporain. Je ne sais pas, mais comment vous, le Kantien, allez défendre Kant, si j'ose dire, contre cette scène de Yasmina Reza? Je suis pas nécessairement, j'ai pas nécessairement adopté la posture apologétique, mais du Kantien de service. Mais alors déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que d'abord, Kant pense le beau d'abord en rapport au beau naturel, et que c'est seulement depuis une élucidation de ce rapport à la nature, ce rapport esthétique à la nature, qu'il va, au fond, appliquer les concepts qu'il construit à la question de l'art. Donc ce n'est pas d'abord le beau artistique qui dirige ses analyses, mais au fond, ces analyses vont de la nature à l'art. Donc c'est le premier point. Deuxièmement, vous dites qu'il y a un universel du beau. Kant pense plutôt qu'au fond, dans nos jugements esthétiques, par exemple nos jugements de goût, ce qui concerne le beau, hein, nous émettons une prétention à l'universalité. C'est-à-dire que lorsque nous trouvons que la choucroute, c'est bon, nous sommes tout à fait d'accord pour que quelqu'un nous dise qu'il préfère le couscous. Oui. Alors que lorsque nous disons ce paysage est beau ou ce tableau est beau, nous émettons une prétention à ce que autrui s'accorde à nous. Donc c'est pas ce vraiment qu'il y a un sentiment ouais. Par différence avec une sensation dans la choucroute et le couscous. Bon, on est peut-être plus de l'ordre de la sensation. Dans le sentiment, qui est une autre dimension de l'esthétique pour Kant, il y a ce qu'il appelle une universalité subjective. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a une prétention à l'universalité d'un jugement qui pourtant se fonde sur un sentiment. Et alors quel est ce sentiment? Parce que dans l'extrait que vous avez passé, en effet, le débat est assez stérile d'une certaine manière, puisqu'au fond, personne ne rend compte de ce qu'il sent devant ce tableau. Exactement. Et donc, selon Kant, ce que l'on sent devant quelque chose lorsque nous disons que ce quelque chose est beau, c'est au fond un rapport entre notre imagination et notre entendement. Oui. Rapport qu'il appelle le libre jeu de l'imagination et de l'entendement. C'est-à-dire que notre imagination, cette faculté qui est à l'œuvre lorsqu'il s'agit de composer des formes sensibles, d'unifier ce qui se montre, notre imagination, spontanément, sans être dirigée par un concept, c'est-à-dire par une règle de l'entendement, produit de l'unité, c'est-à-dire produit quelque chose sans règle qui correspond à ce que la pensée attend, c'est-à-dire de l'unité. Et donc elle devance d'une certaine manière, en l'absence de tout concept, ce dont le concept serait, en temps normal, disons, le moyen. Donc il n'y a que des cas particuliers du beau pour Kant, il n'y a pas de règle ni de concept de la beauté. Néanmoins, sur chaque cas particulier, on est capable de remonter vers l'idée d'un universel subjectif du beau. Pourquoi ça ne marche pas, là, dans la scène? Est-ce que c'est la scène de Yasmina Reza, Michael Fessel? Est-ce que c'est parce qu'effectivement, le problème... Ils cherchent le concept, les deux, là. Ils cherchent pas le sentiment de beauté. Ils cherchent le concept et puis ils cherchent la victoire aussi, parce qu'il y a une dimension tout à fait claire ici de sociologie de la bourgeoisie esthète, si vous voulez, qui ne s'entend pas sur le fait que l'art contemporain, ou d'ailleurs il faudrait plutôt lire Bourdieu pour comprendre cette scène que Kant, que l'art contemporain a une signification ou qu'au contraire il est le comble de la laideur. Cela dit, Kant, comme le diable, se trouve parfois dans les détails, puisque j'ai noté que Lucchini, je crois, dit à un moment, comment peux-tu ne pas admirer ce qui, je cite, obéit à des lois que tu ignores. Alors ça, c'est une fois, c'est typiquement, si vous voulez, sans que ce soit voulu, je suppose, une formulation kantienne. C'est-à-dire, au fond, on voit bien qu'ils se disputent entre eux parce qu'ils cherchent un concept et ne le trouvent pas. Et en réalité, il n'y a pas à en trouver parce qu'il n'y a pas de concept de beau pour Kant. Si on entend par concept, je dirais ce qui, du coup, serait une sorte de définition que l'on pourrait appliquer à tous les paysages, toutes les œuvres d'art, et de manière, je dirais, pour le coup, mécanique, dire, cela c'est beau parce que ça rentre dans le concept qui serait celui d'harmonie, qui serait celui même d'une sorte de définition, par exemple, mathématique de ce qui est beau. Non, il n'y a pas de concept et néanmoins, nous affirmons que cette chose est belle. Et nous la ressentons comme telle, nous la sentons comme telle, c'est effectivement la thématique du sentiment. L'imagination ici nous la présente dans une forme d'harmonie ou d'ordre. Et par conséquent, en disant qu'elle est belle, nous ne disons pas précisément qu'elle est simplement belle pour moi ou qu'elle me plaît à moi. Sinon, il n'y aurait précisément pas ce genre de dispute. Alors peut-être que les protagonistes de art, de la pièce art, devraient admettre que précisément quand il y a un sentiment de beauté, c'est qu'il y a là une loi, une règle, mais une règle dont nous ignorons le fonctionnement, hein, une libre règle en quelque sorte, oui. Une libre harmonie entre l'imagination et l'entendement. C'est ce que dit Kant. Et c'est peut-être pas ce que dit l'art moderne, parce qu'il y a aussi une prétention dans l'art moderne, je dis une prétention au sens vraiment objectif, sans jugement, une aspiration, disons, de l'art contemporain, à défier la question de la beauté, à ne plus poser le problème du sentiment du beau, à dire qu'il s'occupe d'autre chose que le sentiment du beau. Et là, pour le coup, ça défie complètement les enjeux mêmes de Kant. Certainement, à ceci près que le beau n'est pas le tout du plaisir esthétique, chez Kant. Il y a aussi le sublime, et qui d'ailleurs fait intervenir un autre usage de l'imagination, et qui est lié aussi à ce qui est une dimension de l'art contemporain, dont je suis très loin d'être spécialiste, c'est-à-dire d'abord, le sublime, c'est d'abord il y a un déplaisir, d'abord il y a une attente qui n'est pas comblée, d'abord il y a au fond une insatisfaction, mais qui va se transformer. Eh bien, parlons-en du sublime, qui est quelque chose qui semble faire échec à l'imagination. Il y a peut-être d'autres choses, d'ailleurs, qui font échec. Le génie pur, qui crée un objet énigmatique, peut-être met en échec, lui aussi, l'imagination, et donc crée des choses esthétiquement difficiles pour nous à évaluer, à juger. Pour ce qui concerne le sublime, eh bien, voici un extrait très célèbre de la critique de la faculté de Kant, ce livre de 1790. y a dans la compréhension un maximum que l'imagination ne peut dépasser. Ainsi, pour ressentir toute l'émotion provoquée par la grandeur des pyramides, il ne faut en être ni trop proche, ni trop éloigné. Vu de trop loin, les éléments qu'on en perçoit, les pierres superposées, ne sont représentés que confusément, et leur représentation reste sans effet sur le jugement esthétique du sujet. Mais de trop près, l'œil a besoin d'un certain temps pour parvenir à une appréhension complète, de la base jusqu'au sommet. Cependant, au cours de cette appréhension, les premiers éléments s'estompent toujours en partie avant que l'imagination n'ait saisi les derniers, et la compréhension n'est jamais totale. Ce qui suffit à expliquer le désarroi ou cette sorte d'embarras qui, à ce que l'on raconte, saisit le spectateur lorsqu'il pénètre pour la première fois dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il éprouve alors en effet le sentiment que son imagination est impuissante à présenter l'idée d'un tout. Cette inadéquation de l'imagination est l'indice qu'elle atteint alors son maximum. Dans l'effort pour en repousser les limites, elle retombe en elle-même, mais est ainsi transposée en une satisfaction émouvante. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Antoine Grandjean, face aux pyramides égyptiennes, ou face à la basilique Saint-Pierre de Rome, ou à l'intérieur même de la basilique Saint-Pierre de Rome, ici, Kant nous dit que l'œil est en échec, en tout cas pendant un bon moment, mais plus gravement, l'imagination est un peu en échec. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Alors donc là, on est dans les analyses qui concernent le sublime. Et le sublime, c'est ce moment, en effet, où nous vivons de manière sensible l'échec de l'imagination à comprendre, ça n'a pas un sens théorique, c'est-à-dire à saisir en une unité, à comprendre un tout. C'est-à-dire que l'imagination se trouve face à un apparaître qu'elle ne parvient pas à embrasser. L'imagination est débordée. Elle échoue à produire une unité d'ensemble. Et ce sentiment d'un échec, c'est donc le sentiment d'un débordement de l'imagination, d'un être débordé de l'imagination, qui pour Kant est une manière de vivre sensiblement le fait que notre désir de totalisation, notre désir d'unité, déborde ce que le sensible déborde ce que l'imagination peut faire. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité vécue ici. Et donc, il y a un sentiment d'échec, une violence qui est faite à l'imagination, c'est la dimension négative de ce sentiment, mais dont le corrélat est le sentiment d'une exigence d'unité qui va plus loin que ce que le plus grand pouvoir sensible peut produire. Ce qui est troublant. Et ça, c'est positif. Ce qui est troublant, c'est que Kant dit bon, on n'est plus du coup dans la question du beau, qui, nous l'avons dit, je le répète, il y a un universel subjectif, en tout cas, de la beauté, mais on est dans le sublime. Mais lui aussi est universel. C'est-à-dire qu'en fait, il est quand même persuadé que n'importe qui, face aux pyramides égyptiennes, face à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, éprouve cette chose que vous venez de définir, là, l'échec de l'imagination, universellement donc, et que ça s'appelle, et c'est un mot qui autorise un emploi universel, ça s'appelle le sublime. En effet. En effet, c'est-à-dire que on est ici dans du sentiment, hein, mais dans du sentiment qui n'est pas ce sentiment qui ne vaut que pour celui qui le ressent. C'est un sentiment qui est porteur d'une exigence de partage, d'une exigence d'universalité, comme le beau. Mais la différence entre les deux, c'est qu'au fond, le beau, c'est le vécu sensible d'une harmonie, alors que le sublime, c'est le vécu sensible d'une violence, d'une rupture, disharmonie. On peut dire ça. D'un désaccord ou d'une violence qui est faite à notre imagination. Mais le sentiment de l'harmonie ou le sentiment de l'échec et de la violence et de la tension, dans les deux cas, sont porteurs d'une signification que nous vivons comme partageable, comme commune. comme nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, je voudrais ramasser ce problème. Je vais exprès employer un mot très très prosaïque. On est un peu bluffé hein, dans le sublime. On est et Kant pense que tout le monde l'éprouve. Est-ce que c'est la même chose, Michael Fessel, qui se produit lorsque nous faisons face à une action morale admirable, à un exemple extraordinaire de vertu? Est-ce que c'est un peu comme le sublime, ce qui prouverait qu'il y a quand même un rôle de l'imagination dans la morale? Ça nous marque, ça a des effets pédagogiques d'ailleurs, incitatifs, dit Kant. Mais il est sûr dans les deux cas que c'est, tout le monde l'éprouve ainsi et que ça a des conséquences intérieures, si je puis dire. Alors on peut avoir une admiration pour ce qui est plus grand que nous, et quand on dit plus grand que nous, on l'entend au sens littéral de la basilique de Saint-Pierre ou du ciel étoilé, comme Kant prend, c'est l'autre exemple du sublime, le ciel étoilé. Et puis il y a ce qui est plus grand que nous dans l'ordre de la morale, c'est-à-dire ce qui apparaît comme en quelque sorte un exemple à la hauteur duquel je ne pourrais pas me mettre, celui d'un saint ou de quelqu'un qui serait particulièrement vertueux. Vous avez dit tout le monde peut éprouve le sublime, je dirais. Tout le monde peut éprouver le sublime parce que nous avons tous les sujets humains ont cette faculté qu'est l'imagination et la raison. Par contre, contrairement au beau, Kant précise quand même que le sublime, au fond, et ça on le voit d'ailleurs très empiriquement, tout le monde n'est pas prêt à se sentir dépassé. Tout le monde n'est pas prêt à avoir un rapport à ce qui est plus grand que nous, qui soit autrement autre chose qu'un rapport purement négatif. Il y a des gens particulièrement, je dirais, sinon égoïstes, du moins égocentriques, qui n'aiment pas ce qui les dépasse. Qui aiment bien dénigrer un peu ce qui bluffe tout le monde. Quoi, voilà, et qui pensent qu'au fond, ce qui est plus grand qu'eux, d'une certaine manière, est une insulte à leur moi. Alors, cela, évidemment, Kant expliquerait que leur imagination, au fond, prétend dépasser leur raison. C'est-à-dire, puisque finalement, bon, c'est quoi le sublime? C'est le fait que je n'arrive pas à ramener à une image ce qui est plus grand que moi, puisque, comme il le dit, la basilique, je peux l'avoir ou trop près ou de trop loin, mais jamais je n'en fais une représentation. Donc, échec de l'imagination. Échec de l'imagination, et là va se jouer l'ensemble, au fond, d'une anthropologie de l'imagination, si on peut dire. C'est-à-dire, il y a ceux qui, sur la base de cet échec, ne vont pas y retourner. C'est-à-dire ne veulent pas voir ce qui les dépasse. Cela, Kant dirait, c'est ceux qui ont au fond un sens moral un peu limité. Et puis il y a ceux qui trouvent un plaisir, c'est-à-dire quelque chose qui, quelque part, d'une certaine manière, ne les humilie pas. Leur imagination entre en échec, ils n'arrivent pas à en faire une image. Mais il y a en eux une idée, alors, de ce qu'est la liberté, puisque c'est de cela qu'il s'agit finalement, qui fait que je suis, en tant que sujet libre et appelé à être moral, plus grand que tout ce qui, dans la nature, apparaît plus grand que moi. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da rua, ao sol que há de dar. Cachaça de rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar, ir sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da rua, ao sol que arde da Une après-midi à Itapua, c'est C'est le programme de cette chanson de Vinicius de Moraes, brésilien, qui a écrit cette chanson et chanté cette chanson en 1971. Et c'est évidemment une invitation à la rêverie, à la paresse du corps, mais à la densité imaginative que permet ce relâchement. Merci pour ce choix, Riyad Kera, ce choix de chanson. Et merci à vous deux, Antoine Grandjean et Michael Fessel. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui nous parle de la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance serait-elle un combat ? Il y a dans la notion de reconnaissance un profond paradoxe et peut-être une contradiction majeure qui mène à des conflits entre les êtres humains à tel point que cette notion de lutte pour la reconnaissance est au cœur de la philosophie morale et politique depuis le XVIIIe siècle avec un moment crucial dans la phénoménologie de l'esprit au début du XIXe siècle de Hegel avec la lutte du maître et de l'esclave qui est au cœur d'une lutte pour la reconnaissance, l'esclave voulant se faire reconnaître par le maître dans une lutte qui peut conduire jusqu'à la mort et qui explique aujourd'hui, pour beaucoup, des conflits politiques, des guerres où la reconnaissance de l'existence de l'autre a quelque chose de si profond, de si existentiel qu'on est prêt à sacrifier sa vie alors que d'un autre côté, reconnaître l'existence de l'autre semble difficile pour les êtres humains alors que c'est si fondamental pour leur vie elle-même. Pourquoi la reconnaissance est-elle si importante pour nous au point que nous sommes tentés de la refuser aux autres ? Pourquoi la reconnaissance mutuelle, celle dont Paul Ricoeur fait l'objectif de son parcours de la reconnaissance, de la dissymétrie, d'un connaître qui va du sujet à l'objet jusqu'à une réciprocité des sujets qui se reconnaissent mutuellement, pourquoi est-elle si profonde et si difficile et même si violente ? Pourquoi est-elle une lutte ? Pourquoi est-elle un combat ? Au fond, la vraie difficulté, c'est peut-être celle dont Jean-Paul Sartre, oui, un des grands repreneurs de cette lutte pour la reconnaissance dans l'être et le néant a donné une clé, au fond, une clé, je dirais, égalitaire ou démocratique. Le problème de la reconnaissance, en effet, c'est qu'elle a quelque chose de dissymétrique, comme le dit très bien Paul Ricoeur. Je connais un objet, je le connais dans son altérité, mais c'est quand même moi qui le connais, c'est moi qui le domine, c'est en quelque sorte top-down, c'est de mon regard sur lui. Et au fond, je réduis quoi que ce soit à un objet sous ma connaissance, c'est moi qui lui accorde la reconnaissance. Mais alors qu'en est-il quand le cœur de la reconnaissance, au contraire, c'est de reconnaître l'autre comme un autre sujet, un sujet capable de me reconnaître et de me traiter moi-même comme un objet, au fond, dans une égalité qui est aussi une contradiction. Car moi, qui suis un sujet tout puissant, je dois reconnaître que l'autre l'est aussi et que cet objet auquel je veux le réduire, il est capable de m'y réduire aussi. Je peux en faire un objet avec une caractéristique extérieure, comme dit Sartre, une caractéristique de genre, de race, de conditions sociales. Je peux le réduire à un objet, mais lui aussi peut le faire. Et c'est pourquoi non seulement lui doit s'imposer à moi, mais moi je dois résister aussi à sa réduction possible de moi-même à un objet. La reconnaissance serait donc non seulement une lutte politique, mais un désir. Et Sartre en fait un désir contradictoire de l'amour et de la haine. La haine, c'est la réduction de l'autre à l'objet. L'amour, c'est de se réduire soi-même à un objet dans le désir de l'autre. Or, les deux, nous dit-il, sont des échecs. Et au fond, la dialectique sartrienne peut être plus modeste que celle de Hegel et de bien d'autres, aboutit à un échec au nom de l'égalité. Il faut reconnaître les limites de la réduction de l'autre à un objet, reconnaître que la reconnaissance démocratique, l'égalité, c'est aussi les limites de notre réduction mutuelle à d'autres, reconnaître la liberté de l'autre. C'est, au fond, non seulement un combat, mais une justice. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique d'Aliya. Elle a été préparée en particulier par Marine Boudalier, qu'on remercie d'ailleurs, c'est sa dernière semaine de stage. Merci Marine et merci au reste de l'équipe, Anna Fulpin, Carla Michel, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.